Avant de commencer ce micro ouvert avec Bernard Gritzen, ah, j'espère que je le dis bien, vous allez entendre, j'ai foiré la première fois, pour son film « Ceci n'est pas un complot », on écoute un petit reportage, bah, il fait quand même 8 minutes, hein. avec Barbara Stiegler. Bonjour Camille Cronier. Bonjour. On vient d'entendre la voix de Barbara Stiegler, c'est votre invitée, c'est une philosophe, vous allez nous la présenter dans une seconde. Nous avons besoin d'un horizon, hein, de le réfléchir, parce que finalement aujourd'hui nous subissons, mais l'avenir au moins lui reste prometteur d'action, on pourra peut-être agir. Et puis tout autour de nous, on voit aussi du courage, de la solidarité, des nouvelles organisations, des nouveaux modèles. Il y a des gens qui ont envie que tout reprenne comme avant, d'autres qui veulent changer tout demain. On a besoin de se poser pour réfléchir à tous ces changements. Vous avez choisi de nous présenter la pensée de Barbara Stiegler. Qui est-elle, Barbara Stiegler ? Alors, une femme, déjà, hein, c'est pas un choix innocent de ma part pour cette première dans le monde économique, Alexandra. Barbara Stiegler est professeure de philosophie politique à l'université de Bordeaux-Montaigne, où elle est en plus responsable du master soins, éthique et santé depuis 10 ans. Donc, son regard sur la crise est bien informé, vous l'entendrez. Ses recherches portent sur le rapport entre le politique et la vie au sens biologique. Elle signait l'an dernier le livre « Il faut s'adapter » et s'apprête à sortir, quand la situation le permettra bien sûr, du cap aux grèves, récit d'une mobilisation. Parce que la philosophe Barbara Stiegler a un gros prisme social, c'est pour ça qu'elle s'intéresse particulièrement, c'était dans l'extrait, au néolibéralisme, que je lui ai d'abord demandé de me redéfinir, juste histoire d'être sûre de quoi on parle. C'est un nouveau libéralisme au sens où c'est un libéralisme qui ne veut pas laisser faire, mais qui veut plutôt tout réglementer. Les néolibéraux parlent sans cesse de règles, de régulation. Donc c'est un nouveau libéralisme dans lequel l'État a un rôle fondamental. Théorisé après la crise de 1929 avec, dit Barbara Stiegler, des politiques publiques élaborées pour qu'ils ne viennent pas à l'idée des citoyens qu'un éventuel autrement est possible. La conviction fondamentale des néolibéraux, c'est que la destination de notre histoire, elle est absolument certaine. Et cette destination, c'est la compétition mondialisée. Et cette pandémie en faire sortir toutes les limites. Cette crise révèle les insuffisances du néolibéralisme de manière extrêmement spectaculaire. C'est quand on regarde la manière dont le néolibéralisme norme le monde sanitaire qu'on voit ces insuffisances. On a supprimé toute forme de ce qu'ils appellent des stocks, c'est-à-dire que petit à petit, on a détruit le contingent de lits disponibles pour recevoir des malades en cas d'urgence, mais aussi de matériel, ce qu'on voit aujourd'hui, hein, cette incroyable pénurie, mais aussi, bien entendu, de soignants, puisque dans une logique de pur flux, il faut éviter de recruter un personnel sur le temps long, parce que tout ce qui relève d'une masse stable, d'un stock, etc., est à éliminer pour être dans une logique de flux tendu, d'innovation perpétuelle, de rupture continuelle, et finalement pour basculer dans un monde entièrement immatériel. Et voici donc l'État pris aujourd'hui à son propre piège avec toutes les conséquences sanitaires, économiques et sociales. Les gouvernements néolibéraux qui se sont succédés au pouvoir depuis des années ont organisé la pénurie. Ils l'ont sciemment organisée en considérant que finalement c'était une bonne chose. Dans cette vision managériale et néolibérale de la santé, il faut organiser la rareté des ressources. C'est vraiment une vision malthusienne. S'il y a trop de ressources, les gens vont se reposer sur des routines, ils vont se reposer sur des lauriers. Il faut être constamment dans un monde où tout le monde se dépasse en permanence. Alors bon, vous allez me dire, ils ont peut-être compris la leçon, cela dit. Hein. Eh bien, non, hein, pour Barbara Stiegler, cette société de la compétition et de la performance s'incrusterait même dans notre confinement grâce à notre ami Internet. Grâce au télétravail, au téléenseignement, le mode de fonctionnement néolibéral et le mode de gouvernement néolibéral essaient de se perpétuer et il y parvient relativement bien à travers ces plans de continuité d'activité, plans de continuité pédagogique, plans de continuité de toutes sortes dont tout le monde entend parler dans les grandes organisations. Et ces plans de continuité, en fait, ils ont été théorisés, il faut le savoir, ils ont été théorisés dans les années 90. L'idée est que puisqu'on entre dans un monde où il va y avoir beaucoup de crises, beaucoup de catastrophes, il faut mettre en place des outils pour que tout continue comme d'habitude, même quand il y a une crise. On voit très bien à l'école, premier jour du confinement, il s'agit de tout de suite mettre en place, avant même d'envoyer un mot de soutien aux équipes, aux enfants, aux familles, il s'agit tout de suite de mettre en place les évaluations, car il ne faut pas perdre une minute dans la compétition que serait le monde éducatif. Vous voyez, donc c'est ça qu'on retrouve, c'est à travers en fait le déploiement de tout un arsenal numérique. On veut sauver un mode de fonctionnement social qui serait l'alpha et l'oméga d'une vie en société, alors même qu'on est en décalage complet avec la réalité. La réalité, c'est qu'on traverse une catastrophe sanitaire, sociale, certainement aussi politique, et que dans ce moment-là, qui est un moment de crise tout à fait inouïe, la moindre des choses, c'est de s'arrêter, d'arrêter ces modes de fonctionnement et de réfléchir collectivement à d'autres manières de fonctionner, au moins provisoirement. Donc Camille, si on suit bien la pensée de Barbara Stiegler, l'État étant au centre de tout dans ce qu'elle décrit, l'État est responsable de tout. Alors je lui ai justement demandé, parce que je trouvais ça presque un peu facile, hein, même si c'est évidemment très bien argumenté, de blâmer uniquement le fameux système. Et alors, tout en qualifiant nos dirigeants d'adversaires, je la cite, la philosophe politique affirme aussi que ce sont les individus qui rendent ce monde possible par leur comportement et une forme de consentement. Je sais que ça va en faire bondir certains. Moi, je pense qu'il faut avoir une analyse politique de ce qui nous est demandé et il faut aussi s'examiner soi-même de manière politique. C'est-à-dire que c'est nos manières de vivre qui sont imprégnées par le néolibéralisme et c'est contre nous-mêmes que nous devons lutter. En fait, nous sommes des millions et en réalité des milliards à ne plus consentir à cette vision. Donc, on est extrêmement nombreux. Simplement, le problème, c'est qu'on est très atomisés, très isolés. Les gens se sentent un peu tout seuls. Donc, je pense que ce qui est fondamental, c'est le conseil que je donnerais, c'est que chacun, dans son environnement proche, essaie d'identifier finalement quelles sont les forces autour de lui qui essaient de se structurer pour se connecter avec ses forces et pour essayer de transformer localement son propre environnement en sortant de l'isolement. Hein, voilà, je pense que ça, c'est fondamental. Bon Camille, est-ce que Barbara Stiegler est optimiste pour l'avenir alors, pour le monde d'après ? Eh bien écoutez, je la laisse vous répondre. Alors moi, je ne crois pas du tout qu'il y aura un monde d'après. Je trouve ça extrêmement naïf de s'imaginer que parce que nous sommes en train de traverser une crise, magiquement, comme ça, va surgir un monde d'après. Des crises, il y en a eu beaucoup, il y en aura beaucoup d'autres. Et on peut tout à fait imaginer que quand les choses reviendront à la normale, dans quelques mois, évidemment, ce mode de gouvernement néolibéral, mais dans les pays dictatoriaux, la dictature, ou dans les pays ultralibéraux, l'ultralibéralisme, tout ça se remettra en place. Ce qui se remettra en place naturellement, c'est la même chose. Si vous écoutez bien le discours qu'on entend aujourd'hui pendant la pandémie, c'est il va falloir s'adapter à ce mode de vie dégradé créé par l'industrialisation et la mondialisation, et il faudrait s'y soumettre de manière finalement passive, sans résister. Je pense au contraire, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de mouvements sociaux, comme beaucoup de collectifs, il faut au contraire résister à cette transformation du monde et imposer au monde et à l'environnement notre propre vision de la transformation. Barbara Stiegler appelle cela la démocratie sanitaire et en fait la démocratie tout court. Micro ouvert. Go. Alors, c'est rigolo, mais Bernard Grützen. Comment ? Grützen. Attention. À la base, voilà, on connaît. Enfin, moi, je connais pas plus que ça, vraiment pas. Et puis. En fait, je discutais un peu aussi avec des amis, ils me disaient « Mais si, Business Malaria, c'est quand même lui qui l'a fait. » Ah bon ? Du coup, je suis allée voir le docu. Génial, génial, vraiment. Mais donc, là, on parle de vous, surtout de votre film. Ceci n'est pas un complot. Est-ce que vous avez envie de rajouter... Vous êtes journaliste. J'ai vu qu'il y avait une carte de presse sur votre voiture. Ça ouvre des portes, ça. Je vous pose plein de questions en même temps, mais allez-y. Vous êtes journaliste ? Pas vraiment, non. Je suis plutôt réalisateur de documentaires. Et il se fait que j'ai une carte de presse parce que j'ai aussi travaillé pour des agences de presse pour faire des films plutôt institutionnels pour la Commission européenne, même l'OTAN. Donc voilà, j'ai une carte de journaliste, mais en fait, je ne me définis pas telle qu'elle parce que je suis plus dans le documentaire, c'est-à-dire avec un point de vue de départ que je revendique et qui d'ailleurs a posé beaucoup de problèmes ici sur le film « Ceci n'est pas un complot » parce qu'en fait, les journalistes m'ont beaucoup critiqué pour n'avoir pas respecté leur déontologie, leur objectivité, leur soi-disant objectivité et impartialité puisqu'un documentaire, on part avec un point de vue, quoi, le rôle de l'auteur où il y a un parti pris dès le départ, quoi. Oui, il n'y a pas un point de vue, ce n'est pas une recherche que vous faites, où, enfin, vous vous posez quand même des questions au début de « Ceci n'est pas un complot ». Quoi. Vous vous demandez, si je me rappelle bien, au départ de vos parents, vous pouvez plus les... enfin, eux vous disent que non, on préfère ne pas te voir pour le moment parce que les médias disent que... Voilà, c'est au départ, c'est Qu'est-ce que font ces médias? Qu'est-ce qu'ils racontent, au fond? Ils tournent la tête des gens aussi, quoi, avec une version. Et ça, on parle alors de la télévision, des médias publics. Oui, donc en fait, moi, ma question de départ, c'était pourquoi est-ce que les médias ont décidé, autour de cette pandémie, de faire une communication aussi anxiogène et non pas une information? C'est-à-dire qu'on sent très bien qu'ils ont confondu information et communication. Or, leur boulot, normalement, c'est de donner de l'info. Or, ce qu'ils ont fait, c'était de communiquer, en gros, les ordres du gouvernement, donc restez chez vous, etc. Et je pense qu'ils n'ont pas réussi à sortir de ça. C'est-à-dire qu'au début, c'était compréhensible, c'était un peu la panique, personne ne savait ce qu'il fallait faire. Ok, on reste chez soi, il y a beaucoup de morts, les hôpitaux sont débordés, d'accord. Après 2 mois, c'était fini, en gros. Et puis, ils ont continué à alimenter cette peur avec des chiffres toujours. Comme il n'y avait plus beaucoup de morts, c'est pas grave, on a commencé à compter les cas. Sauf que les cas, ce n'est pas des cas, c'est juste des tests positifs. Et ça, ils ont oublié de préciser, ils ne le précisent toujours pas d'ailleurs. Et donc, il y a cette anxiété qui a été générée et qui a perduré. Principalement à cause de la manière dont les médias communiquaient. En fait, si vous éteignez votre télé, vous regardez autour de vous, il n'y a pas de pandémie, il ne se passe rien. C'est juste que. Donc, il faut vraiment être accro à l'information pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais Bernard, quand tu dis si on éteint la télévision et qu'on regarde autour de soi, tu veux dire quand on va dans la rue, on ne voit pas des morts. C'est ça que tu veux dire? Quand tu parles avec ton voisin, bah, forcément, il n'a pas quelqu'un de proche qui est mort. Ce n'est pas si simple que ça, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'une épidémie, normalement, c'est quelque chose qui fait d'abord de nombreuses victimes ou de nombreux malades. Or, on a beau nous dire que les hôpitaux sont en saturation, ils sont en saturation parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lits. Mais in extenso, je sais que c'est très difficile à entendre pour certaines personnes, surtout si vous avez été touché personnellement, si vous avez perdu un proche. Mais si on regarde d'un point de vue purement scientifique, si on se donne la peine de prendre un peu de recul, on se rend compte que voilà, c'est 0,17% de la population et la plupart, c'est au-delà de 80 ans. Donc les gens qui sont morts seraient probablement morts, ils avaient atteint leur espérance de vie. Donc d'ici au maximum 2 ou 3 ans, je dirais, c'est des gens qui seraient quand même partis. Alors il y a eu un pic qui va probablement se traduire par une sous-mortalité l'année prochaine, d'ailleurs. Mais bon, je ne suis pas scientifique, donc je dis ça avec des pincettes. Mais on sent bien que les médias, plutôt que de relativiser, hein, donc on est à 0,02% de la population mondiale qui est morte du Covid. On est très loin d'une apocalypse, ça je le dis dans mon film aussi. Malgré tout, le ressenti, et que ça a été absolument dramatique, catastrophique. On fait des équivalences avec la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, il y a tout ce discours qui, moi, m'a posé question. Et donc, en fait, un réalisateur de documentaire, c'est quelqu'un qui fait du cinéma et pas de l'information, mais au départ du réel. Et ici, la difficulté, c'est que le réel qui nous est présenté dans les médias ne correspond pas à la réalité. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail d'enquête dans le film. En fait, moi, je suis pas un enquêteur, mais j'étais obligé d'enquêter pour voir qu'est-ce qu'il y avait derrière les chiffres qu'on nous donnait, quoi. Comment tu t'y es pris alors pour, entre guillemets, enquêter? C'était quoi ta ligne directrice? Parce que moi, j'imagine, je veux aussi aller enquêter. Je vais par quel bout de la ficelle je commence, quoi? Mais en fait, comme moi, j'enquêtais sur les médias, sur la manière dont les médias racontaient le Covid, bah, j'ai énormément lu, écouté, regardé. Donc, j'ai surtout essayé de voir la différence entre ce qui était dit et ce qui n'était pas dit. C'est-à-dire que sur une information qui arrive, on voit très bien que le journaliste va insister sur certains éléments et moins sur d'autres. L'exemple typique, c'est que depuis au moins 6 mois, on ne parle plus que du vaccin et que toutes les autres, les alternatives n'existent plus. Or, il y a des médecins qui se sont dit, mais attendez, on n'ose même plus parler de l'hydrochloroquine tellement ça a été débattu, mais il y en a eu deux autres molécules, ce qu'on appelle des médicaments repositionnés. Donc, j'arrive jamais à prononcer son nom, c'est l'ivectromycine, je ne sais pas quoi, et puis très récemment, la colchicine. Ben, si on compare le volume d'articles consacrés à ces deux thérapeutiques par rapport au volume d'articles consacrés au vaccin, on se rend bien compte que les journalistes sont à 95% pour le vaccin. Enfin, je ne dis pas que le journaliste personnellement est pour le vaccin. Je dis qu'en tout cas, ce qui ressort dans les médias et le ressenti qu'ont les gens, c'est que le vaccin est la seule solution. Et donc déjà là, il y a un biais très important, c'est-à-dire qu'on néglige toutes les autres pistes. Même si c'est Van Lathem qui a parlé de la colchicine comme étant le plus grand pas qu'on ait fait dans cette crise depuis le début, on n'en parle plus. Je veux dire, ça a été enterré par les médias directement. Et là, je pense qu'on a atteint un sommet jamais atteint dans l'histoire des médias, c'est que maintenant, il est devenu strictement interdit de simplement questionner la vaccination. Parce que, comme on doit atteindre 70% de personnes vaccinées, ben, il faut provoquer l'adhésion de la population et donc gommer toutes les incertitudes, tous les petits accrocs qu'il pourrait y avoir dans la campagne vaccinale. Je ne parle pas des doses et tout ça, de la disponibilité, je parle du fait qu'il ne faut surtout pas qu'on puisse laisser entendre qu'il pourrait y avoir des effets secondaires, etc. Là, on entend déjà dire qu'il y a pas mal de décès dans les maisons de repos suite à la vaccination. C'est un tabou absolu. Donc, pour la petite histoire, mon film vient d'être retiré de Vimeo, donc il a été censuré après 660 000 vues, rien que sur Vimeo, parce que, donc j'ai demandé pourquoi, et donc j'ai reçu un avis de la part des États-Unis, puisque Vimeo est une société américaine, disant qu'il n'acceptait aucune critique, il n'acceptait pas les fausses allégations sur la sécurité des vaccins. Or, dans mon film, il n'y a même pas d'allégations sur la sécurité des vaccins. Le simple fait de poser la question, puisque je dis à un moment, je préfère attendre un peu, parce que je trouve quand même que c'est un peu présomptueux d'imaginer qu'il n'y aura pas d'effet secondaire, alors que c'est une technologie relativement nouvelle, quoi. Et rien que ça, ça suffit à ce que le film soit censuré. Donc on voit bien qu'il n'y a plus aucun espace de liberté d'expression sur cette question-là, en tout cas. Mais moi, ce que j'aimais bien, en tout cas, ce que j'aime bien, parce que je me rappelle au début du confinement, on était tous paumés, hein, vraiment, mais toujours, enfin, voilà, peut-être on l'a ou on l'a pas, c'est-à-dire, on a ce petit interrupteur qui s'allume, tiens, mais qu'est-ce qui se passe, toujours avec cet aspect critique, parce que vraiment, c'était les médias qui nous disaient ce qui se passait, en fait, hein, c'était pas soi-même, donc là, on était complètement coincés. Et moi, je tiens vraiment à vous remercier et à remercier d'autres journalistes, parce que ils sont là des fois, enfin là c'est vraiment à mon nom que je parle, hein, à faire les malins dans des médias publics comme ça, ils se mouillent pas du tout quoi, tandis que voilà, vous, je trouve que vous vous êtes mouillé, c'est aussi comme un Alexandre Pénas lors d'un conseil qui a osé prendre le micro et vraiment poser la vraie question quoi, et ça fait peur parce que ça... On pourrait partir comme ça dans un système où il n'y aurait plus qu'une vision et tout le monde est obligé d'adhérer, quoi. Voilà, j'avais envie de dire ça. Mais aussi, par exemple, je me souviens au début du confinement, je voyais beaucoup de gens avec les masques. Et ça, j'étais très étonnée aussi de voir que les gens adhéraient, quoi, sans problème. Même encore aujourd'hui, quoi. Enfin, voilà, je ne sais pas ce que ça vous fait, ce que je viens de dire. Mais le problème des masques est très important parce qu'en fait... Il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que le masque est utile pour la population générale et en extérieur. Or, à Bruxelles, il est obligatoire. Ça veut dire qu'il y a 1 million de personnes qui se baladent avec des masques depuis maintenant quelques mois, alors que ça ne repose sur aucun truc. Donc, on sent très bien que le but n'est pas du tout d'empêcher le virus de circuler. Le but, c'est que les gens soient dociles. C'est-à-dire qu'ils soient, pour moi, derrière tout ça, il y a une préparation à quelque chose de bien plus grave qui nous attend. Et donc, c'est la fin de mon film. J'ai été très peu questionné par des journalistes là-dessus parce que ça les embête. Ils savent très bien, ils ont bien compris aussi que ce n'est pas normal que des mesures qu'on continue à prendre, comme les couvre-feux, etc., soient uniquement justifiées par des histoires sanitaires. On voit bien qu'il y a autre chose derrière. Et pour moi, c'est très clair, c'est que le confinement a généré une telle misère que les gens vont avoir envie de se révolter. Et donc, on interdit les rassemblements et donc on interdit les endroits où les gens peuvent se parler. Enfin, on fait tout pour que cette graine ne puisse pas germer. C'est-à-dire que, et le port du masque, c'est très symbolique. C'est, on ne se voit pas, on ne se regarde pas, on est muselé, quoi. Et voilà, donc il y a des gens qui continuent à penser qu'en se promenant dans la rue, même quand il y a du vent, même quand il fait beau, que le masque est utile, mais il ne l'est pas du tout. Les médecins même le disent. Donc c'est vraiment une mesure politique qui vise à la fois à museler les populations. Pour moi, d'un point de vue, on est dans le symbolique ici, hein, on n'est pas dans le muselage, sinon ce ne serait pas ça qui serait utilisé. Et aussi pour maintenir un certain niveau de peur, pour faire accepter la vaccination. Peut-être que quand tout le monde sera vacciné, on nous dira que le masque n'était finalement pas très utile. Mais on va d'abord attendre que tout le monde soit vacciné. Oui, c'est surtout le degré d'obéissance, quoi, quelque part. C'est ça qui est impressionnant, voilà, c'est de voir qu'au fond, on n'a pas envie... Même si on n'a pas envie d'ennui, quoi. On va mettre le masque, même si on n'y croit pas, ou même si on y croit, voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Moi, ça m'a super étonné ça, hein, de voir les gens à quel point adhéraient aussi, quoi, comme un espèce de jeu. Oui, moi, ça me fait très peur, parce que ça veut dire que si on peut imposer ça, on peut imposer plein d'autres choses. Et donc, pour moi, on est en train de rentrer dans un système... autoritaire qui a vu qu'il pouvait être très puissant, en fait, que finalement les gens suivaient très facilement les consignes. Et donc le couvre-feu à 22h, par exemple, c'est un truc qui, pour moi, ils vont s'en servir régulièrement, quoi. C'est très pratique, hein, quand vous ne voulez pas d'ennui. D'abord, ça permet de, au niveau, ne fût-ce que de la sécurité, simplement, bah, si les gens ne sortent plus, mais ça veut dire quoi? Qu'ils bouffent de la télévision chez eux, qu'ils absorbent les informations qu'on leur donne, qu'il n'y a plus de curiosité, qu'il n'y a plus de rapports sociaux. Enfin, moi, j'ai très peur de ce monde-là qu'on nous prépare. Et ça, plus les mesures de surveillance, plus la 5G, plus... Je ne dis pas que les deux sont nécessairement liés, mais tout participe à une espèce de contrôle des populations dont moi je ne veux absolument pas. Et c'est pour ça que j'ai fait ce film et que je ne m'arrêterai pas au film. S'il faut aller au-delà, j'irai au-delà. Ça veut dire quoi, s'il faut que j'aille au-delà, j'irai au-delà? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire la révolution. Ah, voilà. Oui, parce que je pense que comme on n'est pas entendu, comme on sent très bien que les populations ne sont plus entendues, je pense qu'il faudra à un moment arriver à une forme de rébellion. Quand je dis révolution, je ne vais pas prendre les armes, je ne vais pas me servir du Kalachnikov, mais il y a d'autres moyens de se faire entendre de manière révolutionnaire, commencer par de la désobéissance. C'est en train de germer, hein, on voit bien à Bruxelles depuis quelques jours, les jeunes se réunissent dans les parcs, ils défient un peu la police parce qu'ils sont tellement nombreux que la police ne pourra plus rien faire. Si plutôt que d'avoir 10 000 jeunes, il y avait 100 000 personnes, ce serait encore mieux. Et s'il y en avait 1 million, ce serait encore mieux. Pacifiquement, simplement dire, bon, ça suffit, on a compris où vous voulez nous mener, le virus est un prétexte, etc. Donc, ça commence, hein, il y a des mouvements divers, mais je trouve que c'est encore très, très timide, quoi. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que ça c'est pas figé. Il y a quelque chose qui est occupé à se passer. Bon, ça met le temps, hein. C'est lent, on est vraiment des endormis, quoi. Et on est prêt à accepter beaucoup de choses. Mais je disais aussi qu'il y avait une carte blanche le 28 janvier de chercheurs d'université francophone qui disaient justement que... Donc c'est pas simplement nous ici, hein, ça commence à s'ouvrir aussi pour dire que c'est antidémocratique tout ce qui se passe, quoi, voilà, et qu'il y a quelque chose qui est occupé à se mettre en place et ça ne va pas, quoi, voilà. C'est pas simplement nous qui pensons ça autour de cette table. Il y a des gens qui se mobilisent, quoi. Oui, donc moi, je suis assez bien au courant de ce que les juristes font, parce que j'ai une amie avocate, il me dit qu'il y a un collectif avec des cabinets très puissants, hein. C'est pas le petit avocat dans son coin, c'est vraiment des gros cabinets qui commencent à s'unir parce que l'état de droit était complètement bafoué. En fait, c'est les exécutifs, donc c'est-à-dire les partis, en gros, et au pouvoir qui ont décidé de comment il fallait gérer cette épidémie en étant conseillés par un nombre très limité de virologues qui sont en plus pas des médecins. C'est-à-dire que vous prenez Van Rans, Van Lathem, Emmanuel André, Marius Gilbert, c'est des gens qui n'ont jamais vu un malade de leur vie. Ils sont dans des laboratoires, ils font des trucs sur des ordinateurs, ils arrivent avec des modélisations. Donc il est temps qu'il y ait beaucoup plus de pluralisme. Les avocats, les magistrats montent au créneau en disant maintenant ça suffit de passer des lois comme ça. Il y en a une, par exemple, qui prépare l'obligation vaccinale qui est passée le 24 décembre après-midi. Donc on sent très bien que le pouvoir a tout fait pour qu'on ne puisse pas en débattre. Donc voilà, il y a des notes d'espoir et effectivement, il y a eu les pédias, il y a eu les psychiatres, il y a eu les avocats. Je crois que ça commence maintenant à bouger, quoi. À ton avis, je sais que c'est bizarre de poser la question, mais je la pose quand même. Pourquoi on met tellement peu de temps à se bouger, nous, les gens, hein? Parce qu'on a un niveau de vie qui est trop important, enfin trop confortable. Les révolutions, elles naissent toujours quand il commence à manquer de pain. Or là, on a tous plus que du pain. On a du pain, des smartphones, la télé. On baigne dans une opulence. Moi, ce qui m'a le plus effrayé, c'est l'absence totale de réaction des jeunes. C'est-à-dire que les gens qui se bougent, si vous regardez bien, c'est les gens qui ont 50 ans et plus. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils perdent. Moi, j'ai voyagé à 18 ans avec un sac au dos. J'ai fait le tour du monde à 19 ans. Et là, je vois mes enfants qui ont 30 ans, à qui on ne peut même pas quitter la Belgique depuis un mois. Enfin, c'est délirant. Et ça ne bouge pas, quoi. Et ça, c'est parce qu'ils ont été lobotomisés par les smartphones. Ils ont l'impression que parce qu'ils postent un truc rageur sur Facebook, ils font la révolution. Mais il faudra beaucoup plus que ça. Il faudra beaucoup plus que ça pour sortir de là. Il y a une chose que tu as dit, sur laquelle je voulais revenir, c'est que tu as dit, oui, on voit des cartes blanches, ça commence à bouger. Oui, mais c'est des cartes blanches. Donc ça veut dire que les journalistes ne font pas leur travail. Certains journaux ouvrent leur pages, et encore c'est jamais imprimé, c'est toujours sur le net, à des pensées critiques, mais eux-mêmes ne font jamais le travail. Donc ça c'est très caractéristique. La presse a suivi une espèce de ligne éditoriale pro-gouvernementale, ou en tout cas très complaisante avec la ligne du gouvernement, jusqu'à ces quelques jours, enfin jusqu'à ces quelques semaines, et ce sont via des cartes blanches que chaque fois qu'il y a eu des questionnements, c'est via des cartes blanches des gens qui ont osé prendre la parole, qui se sont mouillés, que ce soit des médecins, que ce soit des pédiatres, moi j'en connais plusieurs, hein, Rentier, La Terre, des... Comment s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a parlé de la tyrannie du risque zéro, c'était déjà il y a quelques mois, la Borderie, je crois. Enfin, ça veut dire que les journalistes ne font pas le boulot, quoi. Et ça, moi, ça, je trouve ça aussi très inquiétant. La presse est vraiment devenue du côté du pouvoir, alors que ça devrait être un contre-pouvoir. Oui, et puis on se demande même la même chose, pourquoi hein. Mais bon, il y a plein de films qui ont été faits, je pensais aux Chiens de garde, là, super bien faits pour comprendre la mécanique. De toute façon, vous parlez un peu avec monsieur, madame, tout le monde. Maintenant, bon, c'est pas vrai ce que je dis, parce que des fois, dans l'entre-soi, on croit qu'on pense tous la pareille, et puis c'est pas vrai. Il y en a vraiment qui regardent les médias comme une vérité, qui n'ont pas de... Je parle des médias mainstream, hein, qui n'ont pas de recul, quoi. Oui, c'est ces médias dominants, quoi. Mais c'est ce qui a déclenché mon envie de faire ce film aussi, c'est que mes parents, qui sont tous les deux médecins, donc plutôt cartésiens, qui savent ce que c'est un virus, se sont laissés complètement influencer par la télévision. Mon père, il regardait 2 JT par jour, sur 13h et sur 19h30, et donc il avait l'impression que la planète était à feu et à sang. Et je lui dis, mais regarde par la fenêtre, où est-ce que tu vois des cadavres dans la rue, quoi ? Il faut arrêter, parce que tu vois passer une ambulance, on n'est même pas sûr de qui est dedans. Donc... il a fallu, je crois, enfin, c'est en ça que mon film, je crois, a eu beaucoup de succès, puisqu'on est à plus de 1 200 000 vues, c'est que les gens avaient besoin d'un autre son de cloche. Tout d'un coup, ils étaient tellement fatigués par ce que les JT disaient, qu'ils avaient envie d'entendre autre chose. Et si cette autre chose, en plus, était relativement argumentée, bon, j'ai commis des erreurs, et ça, je le reconnais, mais je veux dire, il y a suffisamment d'éléments pour que les gens comprennent qu'il y a eu de la manipulation, de la façon dont on nous présentait les chiffres. Comme par hasard, la veille d'un CNS, tous les chiffres sont catastrophiques, tous les experts qu'on a sur les plateaux sont les plus inquiets. Comme par hasard, la première ministre arrive aux soins intensifs alors qu'elle n'avait elle n'avait rien à y faire. Mais c'est tellement plus spectaculaire la veille d'un CNS de dire que l'ancienne première ministre... Enfin, il y a eu comme ça de la com, de la relation publique. Il y a une phrase que j'aime bien de George Orwell qui dit « Le journaliste, c'est celui qui publie des choses que d'autres souhaiteraient ne pas avoir publiées. Tout le reste, c'est de la relation publique. » Et pour moi, c'est très vrai. C'est-à-dire que certains journalistes ont fait beaucoup de relations publiques. Évidemment, c'est intéressant de regarder votre film. Hein. Ceci n'est pas un complot, mais qu'est-ce qui se passe alors ? À quoi on joue ? C'est quoi le bazar ? Pour vous, il y a quand même un virus. Oui. Alors, je nie pas du tout le virus, la pandémie, le nombre de décès, la saturation hospitalière, c'est pas ça. C'est que pour moi, il y a autre chose derrière. C'est simplement que cette crise, elle est instrumentalisée, elle est utilisée pour arriver vers... pour que certains groupes, on va dire ça comme ça, puissent faire avancer leur agenda. C'est-à-dire que depuis très longtemps, depuis en tout cas la crise de 2008 et même avant ça, il y a un certain nombre de personnes qui disent les démocraties sont en panne, il faut un nouveau système, le capitalisme est en panne, on va droit dans le mur, on est surendetté, etc. Et donc c'est cette grande réinitialisation qui n'est pas du tout un fantasme de complotiste, c'est un bouquin qui est disponible dans toutes les librairies, qui en fait veut dire qu'il va y avoir une quatrième révolution industrielle. Et on se rend bien compte que les robots sont capables de faire tellement de choses qu'on n'aura plus tellement besoin des humains ou qu'en tout cas qu'il y aura beaucoup trop de travailleurs par rapport au nombre de postes nécessaires. On voit très bien que dans les usines, enfin les entrepôts d'Amazon, ce sont des robots qui vont chercher les colis, qui les distribuent, etc. On nous promet que bientôt ils seront livrés par drones. Voilà. Et donc il y a comme ça toute une nouvelle société qui est en train de se mettre en place, basée sur l'intelligence artificielle, avec beaucoup de contrôle, la 5G, enfin tout ça. Et des gens ont profité de cette crise-ci pour faire avancer terriblement le fait que le cash, on nous a vraiment encouragé à ne plus payer en cash, soi-disant parce que le virus se mettait sur les billets ou les pièces. C'est pas du tout ça. La vraie raison, c'est qu'il y a des gens qui préfèrent qu'on paye uniquement de manière numérique. Comme ça, on peut tracer tout. On peut savoir où vous êtes, ce que vous avez acheté, etc. Donc, tous ces gens qui sont pour un pouvoir fort et des peuples sages, comme je le dis à la fin de mon film, bah cette pandémie, c'était du pain béni pour eux. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'ils l'ont provoqué. Les complotistes vont jusqu'à dire qu'ils ont fabriqué ce virus et que tout... Non, moi, je pense simplement que c'était une opportunité. Ce virus était là, il a fait des dégâts. On l'a probablement exagéré, sa létalité, sa mortalité, pour faire encore... C'est ce qui se passe encore maintenant. Je veux dire, les hôpitaux sont vides là. Je veux dire, y a plus, le nombre de cas chute. Mais pourtant, on continue à dire qu'il faut quand même y aller mollo et qu'il faut les couvre-feux. Ces histoires de couvre-feux, il n'y a pas un médecin qui peut le justifier. Pas un médecin, pas un scientifique qui peut dire ça sert à quelque chose. Donc on se rend très bien que ce n'est plus du tout ça, quoi. Et tiens, vos parents, du coup, ils ont regardé votre film. Comment, c'est quoi le retour alors? Et j'ai l'impression aussi, c'est juste une petite remarque, mais que c'est peut-être la génération de vos parents qui est peut-être aussi le plus touché et le plus crédule quoi, devant la télévision, non ? J'ai l'impression. Alors, c'est étrange parce qu'à la fois, c'est la plus crédule devant la télévision parce que eux, toute leur vie, quand il y avait quelque chose à la télé, c'est que c'était vrai. Okay ? Et à la fois, d'un point de vue médical, c'est celle qui a le plus de mal à comprendre ce qui se passe parce qu'ils ont vécu avec des tas d'autres virus, ils en ont vu passer des dizaines. Des vieux médecins à la retraite voient très bien qu'il y a un truc très, très bizarre. Par exemple, le fait qu'on ait dit oh, « n'allez pas chez votre médecin ou seulement par téléphone, allez directement à l'hôpital, ne vous soignez pas avec des thérapeutiques qui... » Ce que tu viens de dire, c'est le contraire, non ? Allez voir votre médecin plutôt que d'aller à l'hôpital ? Non, en fait, le gouvernement ne voulait pas qu'on aille voir son médecin. Le gouvernement voulait qu'on aille directement à l'hôpital, c'est-à-dire que les médecins n'ont pas pu soigner leurs patients, tout simplement. Or, que fait un médecin qui a 80 ans maintenant ? Il sait très bien que la première chose à faire, c'est de voir son patient, savoir s'il a des symptômes, comment il se sent, et seulement si ça ne va pas l'envoyer à l'hôpital. Et là, on a court-circuité ça, là, ce qu'on appelle en France la médecine de ville, chez nous le médecin généraliste. On a dit non, n'allez pas voir votre généraliste. Si vous avez les symptômes, allez à l'hôpital. Et donc, on a complètement boycotté cette sagesse, je veux dire, qu'ont les médecins qui connaissent leurs patients. Vous imaginez, pour les hypochondriaques, ce que cette période a été. Enfin, je veux dire, ils se sont... Pour moi, les cimetières sont remplis d'hypochondriaques parce que ces gens ont flippé complètement. Ils sont tombés dans... Enfin, voilà. Et on sait très bien qu'en plus, la peur est très, très mauvaise pour le système immunitaire. Donc, tout ça... Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que la génération de mes parents, parce que c'était le départ de votre question, mon père a regardé le film. Il était à la fois très étonné d'apprendre certaines choses. Par exemple, quand il a vu le Van Ranstein, qui est considéré comme le plus grand virologue du pays, le cynisme de ce personnage quand il dit comment il faut instrumentaliser les médias. Et là, je pense avoir mis des petites graines dans le cerveau de certaines personnes en disant wow, « c'est quand même bizarre ce qu'il raconte ce type-là ». Donc il y a deux, ou le fait que par exemple le professeur Goldman, qu'on nous présente comme étant un immunologue, de professeur d'immunologie à l'ULB, est en fait aussi président de la fondation AstraZeneca. Mais ça veut dire que tout ce qu'il nous raconte sur les JT, c'est évidemment en faveur des gens qui le payent. Donc il y a quelque chose qui ne va plus dans l'information. Alors les journalistes me disent « oui, mais on n'a pas le choix parce que c'est le seul spécialiste ben, ». Allez en chercher un au Luxembourg, je ne sais pas, démerdez-vous. Mais je veux dire, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui a autant d'intérêt donne son avis sur les vaccins. C'est comme si vous demandiez à votre boulanger, est-ce que votre pain est bon ? Non, il est mauvais, allez voir ailleurs. Voilà. Oui, c'est ça. Mais on est... Et vos parents, alors ? Comment ils ont réagi par rapport à votre film ? En fait, on en a un peu discuté, mais ils ont réagi sur certaines choses où ils se sont dit effectivement c'est des trucs bizarres. Ils sont à la fois fiers aussi du succès du film parce qu'ils se disent que pendant des mois ils ont cru que je racontais n'importe quoi, et là ils se sont bien rendu compte que j'étais vraiment pas le seul à penser ça. Le succès du film, il est dû au fait que voilà, j'ai probablement dit tout haut ce que énormément de personnes n'osaient pas dire. J'ai des centaines de mails de gens médecins hospitaliers qui me disent mais nous on n'en peut plus de ce mensonge. Des journalistes au sein des rédactions. Ça, c'est important d'entendre, hein, parce que c'est fou, on a l'impression qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Mais on a peur, en fait. Les gens ont peur, en fait. Les gens ont peur, manquent de courage, parce que justement, ils sont dans un certain confort. S'ils n'avaient pas ce confort et qu'ils mouraient de faim, je peux vous dire qu'ils seraient dans la rue depuis longtemps face à ce mensonge. Mais donc, par exemple, au sein même des rédactions, hein, de grands journaux, de grandes télévisions, je ne peux pas les citer, mais il y a des journalistes qui m'écrivent en disant « t'as bien fait de briser l'omerta », parce qu'on n'en peut plus, on est obligé de suivre une ligne éditoriale, alors que quand on va sur le terrain, on se rend bien compte que c'est fake. Les flics qui patrouillent dans les rues, les flics ne patrouillent que quand la télé est là, hein, parce que sinon, moi je suis rentré après 22 heures, je ne sais pas combien de fois, je n'ai jamais vu un flic passer. Donc ça veut dire que tout ça est un show, en fait. Il y a un gros show là derrière. C'est schizophrénique en même temps. Hein. Oui, c'est un show avec les médias. En fait, tous les médias, on est vraiment à l'ère d'une grosse mise en scène avec les médias aussi. Hein. Ça joue, quoi. J'espère qu'un jour, je ne suis pas sûr, hein, mais j'espère qu'un jour, on reviendra sur cette histoire en disant que c'était la plus grande manipulation de masse jamais orchestrée au niveau mondial. J'espère, parce que si on n'y arrive pas, ça veut dire que c'est eux qui ont gagné, entre guillemets. Sachant que je ne sais pas qui c'est eux, je n'ai toujours pas compris qui a intérêt à ce que ça se passe comme ça. Alors oui, il y a des bouquins, il y a des trucs obscurs, voilà, mais là, on est dans le complotisme. Et moi, le complotisme, ça ne me satisfait pas. Je veux dire, j'ai envie de savoir exactement pourquoi, qui derrière, qui fait quoi et dans quel but. Alors on dit, voilà, c'est une des grandes théories, que c'est parce que la planète est trop peuplée et que donc il faut dépeupler la planète et que ce virus ou ce vaccin va servir à ça. Je ne sais pas, ça me paraît énorme. Et à la fois, si vous prenez le raisonnement de certaines personnes, ça tient la route. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui ont écrit ça. De certaines personnes, c'est-à-dire ? Il y a des écrivains des penseurs qui depuis longtemps ont dit que la Terre était trop peuplée, que par exemple quand on faisait un progrès en Afrique sur un développement, très vite il était noyé par la démographie parce qu'on a amélioré les choses. Si vous faites un réseau d'égouts dans une ville mais que trois ans après il y a deux fois plus de monde, le réseau d'égouts il est mort. Donc ça c'est qu'un des multiples exemples qui montrent qu'effectivement la démographie reste un énorme problème. Mais alors de là lier la démographie avec un virus en se disant que ça a été fait exprès, c'est là que je vais pas là-dedans. Moi, j'ai pas d'éléments qui permettent de détailler ça, quoi. Non, évidemment, moi non plus. Hein. Et puis les théories du complot, je vais pas trop dedans parce que c'est un peu fou, quoi. Enfin voilà. Et en même temps, pourquoi pas, hein. Je veux dire, ce serait ça la guerre chimique moderne. Hein. On envoie un virus, pourquoi pas. Je veux dire, mais moi, je suis pas je sais pas enquêter. Avant de croire les choses, il faut que j'aille voir, parler avec les gens, avec d'autres. Enfin, vous voyez ce que je dois confronter la chose. Mais quoi, vous êtes d'accord quand même qu'il y a des rapports de force et que, voilà, moi je suis d'accord avec ça en tout cas. Il y a des rapports de force et peut-être parce qu'on se demande qui fait marcher tout ça, pour quoi, une société qui n'est plus démocratique, qui est autoritaire. Pour que les gens obéissent, mais pourquoi au fond, pour gagner quoi au bout du bout, c'est ça. Je me pose la même question que vous. J'ai pas compris. La seule chose qui me paraît vraiment claire, c'est qu'on a fait à cause de ce virus, il y a eu un recul énorme de la démocratie. C'est-à-dire que là, on sent bien qu'il se passe des choses dans notre pays au niveau de l'état de droit, au niveau de la liberté d'expression, au niveau des libertés individuelles. Ça n'aurait jamais été possible. Donc, c'est depuis la guerre. Donc, on parle de la dernière fois qu'il y a eu ça, c'était en 40-45. Et encore, il y a des gens qui ont connu la guerre, qui me disent, mais on pouvait encore se marier pendant la guerre. Maintenant, on ne peut même plus se marier. On pouvait aller enterrer nos morts. On ne peut même plus faire ça. Donc, on est arrivé à un extrême absolument dingue. Et quand je pense aux vies qu'on a gâchées, donc moi, si j'avais eu 20 ans cette année-ci, ça aurait été une catastrophe. Je veux dire, à 20 ans, vous faites des relations, vous voyagez, vous découvrez des gens, c'est vos premiers stages, vos premiers boulots. Tout ça, c'est mort, quoi. Je veux dire, donc moi, je reviens là-dessus parce que c'est ce qui me sidère le plus, c'est la passivité de la jeunesse que je ne peux expliquer que par une espèce de lobotomisation par smartphone interposé. Je ne comprends pas, je ne vois pas d'autres raisons. Ils sont trop gâtés, ils ont pas faim, donc il n'y a pas de raison. Là, par exemple, j'étais hier au Bois de la Cambre et Parc de la Houlue parce qu'on m'avait dit que de nouveau, comme les 3-4 derniers jours, les jeunes allaient se réunir. Ben non, ils ne sont pas réunis parce qu'il faisait un peu froid. Si 3 degrés de moins empêchent une révolution, on est mal, quoi. Oui, mais ça, c'est la société de hyper confortable dans laquelle on est, quoi. Ça, il faut casser ça, c'est trop. Mais j'ai envie encore d'un petit titiller cette histoire, hein, même pour moi, hein. Quelle est l'intention, ok, de faire un système autoritaire? On a vu que les gens obéissent. D'ailleurs, on est tous plus ou moins lobotomisés, hein, là-dedans. Moi, je fais partie du truc. Mais au bout du bout, pourquoi? Pourquoi tout ça, en fait? Oui, pourquoi tout ça? Parce que il y a des gens, comme vous avez dit, oui, qui vous ont envoyé des mails pour dire merci, tatati, tatata. Mais est-ce qu'on vous a aussi traité de complotiste? Oui, bien sûr, de complotistes, de fous furieux, de criminels, parce qu'à cause de moi, il y a des tas de gens qui vont mourir parce qu'ils ne prendront pas le vaccin. que voilà, si ça continue, je vais être responsable de l'échec de la campagne vaccinale. Alors que la méfiance, moi j'ai des tas de témoignages qui datent de bien avant, de tas de médecins qui m'ont dit mais moi je ne me ferai pas vacciner, sauf que maintenant ils ne vont plus avoir le choix, je pense. Moi je ne peux pas répondre à votre question, parce que si je pouvais répondre à votre question, je serais le roi du monde. Pourquoi tout ça? Simplement, quand on voit des profils de personnes comme Klaus Schwab, le gars du Forum économique mondial, celui qui a écrit Big Reset, quand on lit, on se dit mais ces gens sont des fous furieux, ils ont l'impression qu'ils vont eux résoudre le... Quand on entend certains discours de Bill Gates, qui par exemple, pour qui lui il n'y aura pas de problème d'alimentation, puisque de toute façon on a les OGM et la viande synthétique. Donc ce sont des hyper... C'est des gens qui croient au progrès, qui pensent que le progrès va tout résoudre. On n'aura plus besoin de se salir les mains puisque les drones viendront nous livrer tout à la maison. Mais qui a envie de ça? Ce que je ne comprends pas, c'est que ils pensent avoir la solution selon leur vision du monde, qui n'est certainement pas la vision de tout le monde. Donc, par exemple, Klaus Schwab vous dira face caméra, il l'a écrit, il n'est pas du tout gêné de ça, que bientôt, on ne possédera plus rien. Plus personne ne possédera plus rien. Tout, on empruntera tout. Donc, c'est l'ubérisation de la société à outrance, même votre maison. Et donc, il y a certaines personnes qui disent que ce virus cache une crise économique dans laquelle on va tout perdre, c'est-à-dire qu'on devra tout vendre, qui sera récupéré par je ne sais pas qui, et qui va nous le relouer. Et ça fait très peur quand vous pensez qu'il y a des gens qui ont travaillé 50 ans pour avoir leur petite maison à la campagne, et on va venir leur dire « Ah, mais vous savez, maintenant il faut rembourser la dette, donc vous allez devoir revendre votre maison, enfin je ne sais pas ». Il y a comme ça un truc qui me paraît tellement énorme que j'ai du mal à y croire. Oui, on a du mal à comprendre l'objectif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens qui se croient les maîtres du monde, ils ont toujours trouvé ça excitant de faire que le peuple, on va dire ça comme ça, obéisse, quoi. Ça les excite. Et on a montré qu'on obéissait pas mal. Mais voilà. Ou sinon, il y avait aussi donc ce gouvernement qui a pris plein de mesures, là... Mais on parle de santé mentale, de décrochage scolaire, de paupérisation, de l'augmentation des violences ultra-familiales. Enfin, comment ça va? Enfin, je suppose que vous n'avez pas la réponse, mais ça a des conséquences énormes aussi, toute cette histoire. Comment il y a des gens qui perdent beaucoup de choses, quoi. Comment ce gouvernement... Je pense que c'est pour ça que le gouvernement ne lâche pas la bride maintenant. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mécontents et tellement de gens qui ont tout perdu qu'ils sont obligés de faire semblant qu'il y a encore une menace, etc. Parce que sinon, tout le monde serait déjà dans la rue. Et donc, je pense qu'ils vont faire traîner jusqu'aux vacances. Et puis, les gens vont prendre des vacances. Et puis, quand ils reviendront retrouver leur boulot, ben, on leur dira « Oui, mais à cause du Covid, on a fermé telle et telle boutique. » Donc, on prépare aussi l'allocation universelle, ça me paraît très clair. La facilité avec laquelle on a reçu le droit passerelle, moi j'ai fait trois clics de souris, j'ai reçu 1200 euros par mois, j'en revenais pas. Je dis, mais. Donc, moi, ma compagne, elle est assistante sociale, elle dit, quand on voit les difficultés qu'une famille avait auparavant pour obtenir 600 euros pour vivre vraiment chichement et trouver un appartement, et là, n'importe quel indépendant en trois clics de souris a trouvé des sous, parfois des sommes assez importantes, on se dit, mais d'où vient cet argent? Donc, c'est sûr qu'on s'est terriblement endetté, qu'un jour il va falloir le payer, qu'on parle de mesures d'austérité similaires à ce que la Grèce a connu en 2008, ça veut dire plus d'accès à votre compte en banque, les pensions rabotées de moitié, des tas de gens au chômage. Donc, enfin, moi, je pense qu'on se prépare à une année 2021 qui va être violente, je n'ai pas d'autre mot, parce qu'il va y avoir de la confrontation. C'est marrant parce qu'il y a deux personnes différentes qui, le même jour, m'ont dit la même chose. Un a été numéro 2 de la Bourse de New York. Donc c'est un financier, c'est un ultra-libéral, c'est Monsieur Hugeux. Et le soir, j'ai une copine qui me téléphonait, elle était tout à fait sur une autre planète, c'est le cas de le dire, très ésotérique, elle lit les astres, etc. Elle me dit, à peu près tous les astrologues sont d'accord pour dire que l'année 2021 va être violente. Et quand vous avez deux profils si différents qui vous disent ça, ça commence à faire peur, quoi. Oui, oui, mais même avant, oui, c'est ça, c'est la suite, hein, mais même avant le Covid, on sentait que ça, y a quelque chose qui doit passer, hein. Il y avait les gilets jaunes aussi, déjà... Comment vous avez... Qu'est-ce que ça vous a fait, les gilets jaunes, quand vous n'avez pas envie d'en parler? Alors, il reste, 10 minutes. Je regarde mes petites notes, hein, parce que c'est Morin qui disait ça. Il disait que le progrès des médias a produit un réseau d'informations extraordinaire et qui a provoqué le progrès de la désinformation et de l'ignorance. Et je fais le lien aussi avec un docu que j'ai vu qui s'appelle « La fabrique de l'ignorance ». Vraiment, à voir, je trouve qu'on est en plein dedans. Ça vous raconte quoi tout ça ? Avec Morin, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'on a multiplié les possibilités d'informer les gens. C'est devenu très facile puisque c'est numérisé. Il n'y a même plus besoin d'imprimer, de distribuer des journaux. Et à la fois, on produit n'importe quoi. C'est-à-dire que au sein des rédactions, il y a une énorme frustration de la part de gens qui ont étudié le journalisme pendant 4 ou 5 ans et qui se retrouvent à faire des copier-coller de dépêches d'agence parce qu'on n'a pas le temps de faire autre chose, qu'il faut être le premier sur n'importe quelle information, donc on ne la recoupe pas. Contrairement à ce qu'ils disent, ça me fait bien rigoler. Moi, j'ai vu des dépêches d'AFP arriver recopiées par Belga avec une grosse erreur dedans et c'est passé dans les journaux comme ça. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun filtre, en tout cas pour un certain type d'information. Donc, pour moi, la seule façon de sauver le journalisme, c'est qu'effectivement, les journalistes refassent leur vrai travail, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de ce qu'on leur donne à sucer, mais qu'ils aillent voir sur place, qu'ils investiguent, qu'ils questionnent, qu'ils prennent le temps. Il y a des journaux qui le font très bien. Il y a Médor, il y a d'autres journaux qui font ce qu'on appelle du slow journalisme, qui prennent le temps, mais c'est un modèle économique difficile, les gens sont plus prêts à payer pour avoir de l'info. Donc moi je pense aussi que cette fabrique de l'ignorance, c'est aussi parce que les gens se contentent de ça, c'est-à-dire que s'ils exigeaient d'avoir une information beaucoup plus fiable, recoupée, d'abord ils devraient payer pour ça. Et voilà, donc on est dans un système, je pense qu'il ne peut en sortir que quelque chose de mieux, parce que là on a atteint le sommet de la bêtise, on voit bien avec, dans mon film, l'histoire de la gamine de 3 ans qui est décédée, quoi. Les gros titres, c'est une fillette de 3 ans est décédée du coronavirus, alors que c'était pas du tout ça. Il fallait vraiment lire les petites lignes en bas de page pour comprendre qu'elle avait autre chose. Et c'est pour ça que j'ai été retrouver le papa pour avoir l'information la plus fiable possible. Ben voilà, il y a très peu de journalistes qui ont été rechercher ce papa pour lui demander pourquoi, ce qui s'était passé, quoi. Pourtant, c'est pas compliqué à faire, hein. Même si ça coûte de l'argent, on va dire, de déplacement, mais même pour sa conscience, savoir la vérité, quoi, non ? Oui, c'est ça. Mais moi, je l'ai fait aussi parce que j'avais des facilités. Il faut être honnête. J'ai su assez rapidement comment contacter le papa. C'était pas évident parce qu'il voulait pas non plus trop s'exprimer dans les médias parce qu'il avait une telle défiance justement vis-à-vis des médias, lui. Et c'est quelqu'un, j'étais vraiment étonné, quelqu'un d'origine albanaise qui vit donc dans une communauté musulmane et chez qui la mort, c'est quelque chose de... C'est assez différent, c'est vécu de manière un peu différente de ce que nous, on connaît. Et donc, il y a une grande pudeur par rapport à ça. Donc, c'était difficile pour lui de s'exprimer dans les médias. Et au départ, il m'avait dit d'accord, mais vous devez flouter mon visage et changer ma voix. Et puis, quand je lui ai parlé du film, il a dit ok, j'y vais. Et depuis lors, il est très content de l'avoir fait parce qu'il se rend compte que ça a fait bouger les choses dans sa communauté aussi. C'est-à-dire que c'est des gens qui regardent déjà pas la télé ni rien, en tout cas pas la télé belge, et qui tout d'un coup se sont dit « Ah ben, si Célal, il s'appelle Célal, a osé parler, c'est qu'il y a moyen. » Donc je pense que c'est des petites choses qui ouvrent des petites portes, mais que voilà, j'espère que ça fera une différence à long terme. Et toi Bernard, tu t'informes comment alors ? Est-ce que tu continues à regarder les médias ? Parce que tu dis ça dans ton film, hein, genre... Je ne regarde plus les médias. Non, je ne regarde plus. Là, c'est terminé. J'ai arrêté les JT. C'était une telle souffrance chaque fois. En fait, si vous voulez, quand vous regardez quelque chose et vous savez que la moitié des infos qu'ils donnent sont fausses, c'est juste à vomir, quoi. Alors, quand je dis fausse, je relativise. C'est-à-dire qu'ils ne présentent qu'une facette de la chose. J'ai compris aussi un truc. C'est un peu... Voilà, c'est une expérience qui m'est arrivée, c'est que tout d'un coup, sur la RTBF, c'était un matin, ça s'appelle les décodeurs, on annonce qu'on m'a contacté et que je n'ai pas répondu. Et donc, ils disent, on a contacté Bernard Cohen, il n'a pas souhaité répondre. C'était la veille, je reçois un SMS de quelqu'un que je ne connais pas, j'en recevais 100 par jour à ce moment-là, le film venait de sortir. Et donc, la RTBF croit que parce que c'est eux, je dois tout de suite me mettre au garde à vous, répondre. Et l'émission, c'était le lendemain à 8h du matin. Donc, ça veut dire que j'avais en gros 5-6 heures pour me décider si j'allais aller à cette émission. Or, dans l'état, parce que je prenais des coups tous les jours avec des critiques très dures dans l'écho, dans le soir, dans la libre et tout, j'avais juste pas envie de répondre tout de suite. Et puis tout d'un coup, le lendemain, des copains me disent « Ah, il parle de toi à la télévision, à la radio. » Et donc j'entends ça et je me suis dit « Combien de fois ils ont dû faire le coup à des gens qu'ils n'avaient pas envie de rencontrer en fait, c'est-à-dire de les prévenir à la dernière minute. » Et du coup, maintenant, quand la télévision dit il y a un syndicat qui fait grève, nous avons souhaité, la direction n'a pas souhaité nous parler, dorénavant, je sais que je dois faire attention à ça. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas eux qui ont juste fait les choses ? Un directeur d'une boîte qui est en faillite, il a autre chose à faire que de répondre à un journaliste, il me semble. Donc fatalement, je pense que les gens de l'RTBF, mais les journalistes en général, ont l'impression que tout le monde doit être au garde à vous quand ils ont envie de faire une interview. Mais ça va, quoi. On a encore de notre liberté de ne pas vous parler, quoi. De toute façon, c'était même pas tu étais prêt à te confronter à leurs paroles en même temps, parce que c'était pour parler de ton film, quoi. Mais j'ai entendu hein, le débat des décodeurs, ça dure 17 minutes, c'est assez bref. Ils ont parlé entre eux, mais le Arnaud Reusson, il a reconnu quand même dans ce décodeur pour dire que c'était possible de faire des erreurs, qu'il fasse. On te l'a dit, j'imagine, ou tu l'as vu. Oui, bah je. Il y a eu un frémissement. Donc moi, la fin de mon film, j'espère qu'il va y avoir un sursaut de la part des journalistes. Il n'y a peut-être pas eu un sursaut. Le sursaut, d'abord, c'est moi qui l'ai pris dans la gueule, c'est-à-dire que c'était un mécanisme de défense. Donc pendant des jours et des jours, j'étais bombardé d'articles sans que personne ne m'interroge. Donc en fait, c'est quand même extraordinaire que Le Soir fasse une pleine page sur un film sans interroger son réalisateur. Donc il demande à deux personnes d'analyser le film, mais le réalisateur n'est pas convié. Donc, et ça a été la même chose pour l'Écho, c'est la même chose pour tout le monde. La Libre a fait semblant de m'interviewer. Ça a duré 5 minutes et puis ils ont fait un papier. Enfin voilà, ça a été comme ça depuis le début. Il y a des grandes émissions de débat, que ce soit Sacha Daoud, que ce soit Arnaud Reusson, que ce soit Christophe de Boursu. Personne ne m'a demandé de venir. Il y a une émission qui s'appelle Ce qui fait débat. Voilà, donc c'est pas grave parce que je suis pas sûr que j'aurais été en état de répondre de manière posée. Maintenant, oui, c'est un peu tassé. Ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même eu un léger frémissement dans les journaux. C'est pas moi qui le dis puisque je ne les lis plus, j'en peux plus. Mais j'ai des copains qui m'ont dit, tu devrais voir la Une du Soir, ça a changé du tout au tout depuis que ton film est sorti. On ne met plus les mots en première page, on critique beaucoup plus le gouvernement, on donne beaucoup plus de place à ce qu'on a appelé les dissidents, donc les médecins qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, etc. Donc c'est pas comme mon film, hein, c'est comme on le disait tout à l'heure, les avocats, les pédiatres, les psychiatres qui sont montés au créneau. Je crois que les journalistes, les médias ont enfin compris qu'il fallait parler différemment du truc, quoi. Ah ben merci Bernard alors. Hein. Et alors il y aura pas de diffusion de ton film sur la RTB parce que tu arranges la réalité en fonction de ta thèse de départ, quoi. Ça c'est une drôle. C'est comme si on disait. Enfin, moi, c'est parce que voilà, je te rencontre. J'ai toujours ce réflexe de dire, moi, je veux d'abord rencontrer les gens. Mais c'est comme si tu noyais la vérité, quoi. Tu la modelais comme ça t'arrange. C'est bizarre comme manière de procéder. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'ils font eux. Donc moi je suis habitué, j'ai travaillé, donc les trois derniers documentaires que j'ai faits ont été coproduits par la RTBF et ça ne les a pas gênés une seconde que je fasse ça. Puis tout d'un coup, comme c'est contre eux, c'est dérangeant. Je veux dire, ça s'appelle le montage. Je veux dire, le montage c'est ça. Moi j'ai 26 heures d'interview. Si quelqu'un veut se taper les 26 heures d'interview, je les mets sur Internet, il n'y a pas de problème. Mais moi, je fais un film documentaire qui est audible, qui est lisible, que les gens vont regarder. Hold Up, il faisait 2h40. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas été regardés jusqu'au bout parce que c'était trop long. Donc, on avait décidé avec notre monteur que ce serait 1h20 maximum. On est arrivé à 1h10 en coupant pas mal. Donc, il y a des gens qui sont frustrés parce que « Ah, pourquoi vous avez coupé un tel ?» Mais on fait ça tout le temps. La RTBF, quand elle fait un sujet JT, elle envoie un journaliste qui va passer une demi-journée, qui va interviewer 3 personnes. Il va rester 3 phrases. Et eux critiquent ça en disant c'est montage, etc. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la commission de la déontologie journalistique. Personne ne les a saisis pour dire que mon film ne respectait pas les balises déontologiques. Parce qu'en fait, ils savent très bien qu'ils font ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est un peu, voilà, j'ai trouvé ça un peu moyen. Alors de la part d'Arnaud Reusson, c'est plutôt décevant parce que c'est un très bon journaliste. Je pense que c'est lui qui a le mieux fait son travail à l'RTBF. Il a vraiment organisé des vrais débats, contrairement à d'autres. Et c'est dommage que ça vienne de lui parce que franchement, j'ai du respect pour lui. Il y en a d'autres qui feraient bien de se regarder dans le miroir. Oui, mais c'est drôle parce que pour ton film... On en parle un peu parce qu'il est trop, chouette aussi ce film que tu as fait. Comment ? Malaria Business. Voilà. Oui, donc c'est étonnant parce que Malaria Business, il a eu le prix de la presse, de la critique, enfin, reporter. Comment c'est possible ? C'est que d'une main, on reconnaisse ton travail, et puis de l'autre, en fait, ce que tu as fait, c'est même pas de sérieux, en fait. En fait, moi, j'ai travaillé exactement de la même manière. Hein. Donc, j'ai aussi coupé dans les interviews, j'ai aussi arrangé la réalité, entre guillemets, suivant la narration qui m'arrangeait. Donc, j'ai fait exactement la même chose, sauf que là, je me suis attaqué aux médias. Et donc, fatalement, les médias devaient réagir. C'est comme un animal blessé, il est devenu très agressif. Peut-être que ça va se soigner et qu'on va en reparler. Mais... Non, mais sur les médias, ça fait un bail qu'on sait que les médias sont à la botte du pouvoir. Enfin, voilà, ils doivent, à la longue, ils doivent avoir la peau un peu d'éléphant, quoi, pour se dire tiens, le Bernard, il raconte pas que ça, il casse pas simplement du sucre sur les journalistes, il raconte aussi plein d'autres choses, quoi. Oui, je ne sais pas. Mais enfin, pour revenir à Malaria Business, bah, c'était, voilà, c'était un travail. C'est effectivement le film qui a eu le plus d'écho, qui a été vendu dans plein de pays. Et donc, dont je suis très fier, parce qu'en fait, ce que ce film a surtout permis, c'est que la plante dont il est question, qui s'appelle l'Artemisia noire, depuis lors, elle est diffusée partout en Afrique. Il n'y a pas un pays africain qui... Alors, c'est pas, de nouveau, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce aux personnages que je montre dans mon film, surtout Lucille Cornet-Vernet, Pierre Lutgen et autres. Ce sont des gens qui se battent depuis des années pour que cette plante existe. Et mon film était un levier qui a permis de faire connaître, c'est tout. Mais moi, pour moi, c'est magnifique, parce que ça veut dire qu'il y a... cette thérapie, cette plante, a probablement sauvé des millions d'enfants en Afrique, en tout cas des milliers d'enfants en Afrique, et déjà ça c'est merveilleux. Et si celui-ci que je viens de faire, ceci n'est pas un complot, pourrait juste éveiller les consciences de certaines personnes, ce serait magnifique aussi. Je crois qu'il le fait. Hein. Après, ce qui est chouette, c'est quand le film va dans des endroits où on ne l'attend pas, tu vois, parce qu'entre convaincus ou entre gens qui sont déjà un peu éveillés ou critiques, bon ben voilà, mais ceux qui le. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Mais dans ton film. Malaria, business du malaria, enfin, ouais, malaria business, ça date d'il y a 3 ans, quoi. Et je trouve que quand on regarde ce film, on comprend aussi encore mieux tout est relié au fond, voilà, moi je trouve. Oui, ben malaria business se termine en disant. Il faut briser l'omerta. Et ici, c'est pareil. Donc, on est dans un système où on sait très bien que les firmes pharmaceutiques, on sait très bien que derrière, il y a des enjeux majeurs qui n'ont rien à voir avec la santé, qui sont des histoires commerciales ou même politiques. Et donc, c'est le même processus. Simplement, on a été encore un step plus loin ici. Et je pense que, j'espère en tout cas, qu'on a été tellement loin que ça va casser. C'est-à-dire que même les ficelles sont tellement grosses. Quand vous voyez comment cette manipulation a été faite juste pour pousser le vaccin, encore maintenant, je veux dire, on sent très bien que toutes les mesures prises n'ont qu'une seule vocation, c'est de nous faire adhérer à la vaccination, quoi. Allez, une petite dernière, t'es d'accord? D'où vient la peur, au fond? Parce que tout ça, c'est essayer de diffuser la peur. Hein. Quand on a peur, on ne sait plus bouger, on a tellement peur. Hein. D'où vient la peur? Vraiment, c'est une vraie question. Hein. D'où vient la peur? Les médias? Le politique? Ou l'économie? Qui commence? Oui, après, on arrête. Hein. Ouais. Cette peur qui a été instaurée ici dans la population, pour moi, elle vient principalement des instituts de santé publique. À la base, c'est-à-dire que c'est eux qui ont généré une manière de présenter les chiffres qui a été relayée par les médias et qui a influencé le politique. Et donc, moi, j'ai voulu creuser cette piste en disant pourquoi est-ce que Sensano, puisqu'en Belgique, ça s'appelle Sensano, a communiqué de cette manière-là dès le départ, alors qu'ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus rassurant. Et donc, pour moi, la peur, elle est venue de la saturation hospitalière, c'est-à-dire la peur de devoir choisir qui va vivre et qui va mourir. Et donc ça, comme c'est un truc, on ne peut plus mourir, c'est devenu interdit. Je veux dire, on refuse la mort, on éloigne les cimetières le plus possible des villes. Enfin, on ne veut plus regarder la mort en face comme quelque chose d'inéluctable. Je me souviens de cette famille qui était arrivée à l'hôpital avec un monsieur de 92 ans en obligeant les services des soins intensifs à le prendre. Mais s'il doit mourir, il doit mourir, monsieur. Il y a un moment, on va tous y passer, quoi. Et donc cette peur, elle a été pour moi, elle est multiforme. Je pense que tout le monde a généré de la peur qui a rejailli sur les autres. Donc c'est une espèce de serpent qui s'est mordu la queue entre le politique qui a eu peur que les médias disent « vous n'en faites pas assez », entre Sensano qui peut-être véhiculait des chiffres pour moi un peu exagérés parce qu'il préférait dire « trop que trop peu ». Donc on voit très bien que dans les maisons de repos, il y avait 4% de cas certains, mais on annonçait quand même que tout le monde était mort de ça. Encore maintenant, dans les hôpitaux, c'est un médecin qui me l'a dit, quelqu'un arrive pour une appendicite, il fait un test PCR positif, il n'est pas du tout malade du Covid, mais on va l'inscrire comme malade Covid. Mmh. Et donc le lendemain, dans le JT, on va dire qu'il y a de nouveau 5000 cas d'hospitalisation. Une femme enceinte qui arrive pour un accouchement difficile avec un test positif, on dit admission Covid, elle vient pour un accouchement. Donc tout ça, on sent bien que c'est instrumentalisé de nouveau pour nous amener à la vaccination. Si ce n'est qu'à la vaccination, je dis, bah, c'est pas encore très grave, mais si c'est pour derrière beaucoup plus le contrôle des populations, alors vraiment on est dans un truc très très grave, quoi. En tout cas, moi, j'ai jamais eu peur. Depuis le début, j'ai fréquenté, j'étais dans les hôpitaux. Je n'ai pas peur du tout de ce virus parce que je sens que j'ai une immunité naturelle, parce que j'ai joué gamin dans les crottes de vache. Et je veux dire, je pense que les gens qui sont comme Bill Gates et autres, des super hygiénistes, ils vont mourir de ça. Parce qu'il y aura toujours bien un truc qui va passer. Pour moi, c'est un ami qui dit ça toujours. Enfin, ce n'est pas lui qui le dit, mais ce n'est pas l'agent pathogène qui compte, c'est le terrain. Si un virus est virulent, il va aller chercher sa cible et il l'aura sa cible. Si vous êtes en bonne santé, le virus, il ne va rien vous faire, il va passer chez quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'on n'a pas du tout poussé cette chose-là, ce qui est de dire protégez-vous, immunisez-vous, prenez de la vitamine D, allez au soleil, faites du sport, sortez ça de votre tête, arrêtez de regarder les JT. Ça, c'était le conseil numéro un qu'il fallait donner, plutôt que de se focaliser sur le virus. Mais qui est au pouvoir? C'est un virologue. C'est pas un psychiatre, c'est pas quelqu'un qui connaît les sciences humaines, quoi. Merci Bernard. Peut-être t'as envie de rajouter un truc qu'on n'a pas dit, que tu tiens là à dire, je sais pas. Juste en une phrase, je pense qu'il va falloir un peu plus que des films pour sortir de ça. Ou de la radio. Merci.